Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Aujourd'hui, pour les propriétaires de biens immobiliers bâtis, une nouvelle obligation de déclaration. Depuis le 1er janvier 2023, tous les propriétaires d'un bien immobilier bâti à usage d'habitation sont soumis à une nouvelle obligation de déclaration d'occupation de leur logement. Cette obligation concerne aussi bien les particuliers que les entreprises. Alors, en quoi consiste cette déclaration? La taxe d'habitation étant totalement supprimée pour les résidences principales à partir de 2023, cette nouvelle formalité oblige les contribuables à fournir des précisions à l'administration fiscale quant à la situation des logements dont ils sont propriétaires. Ces informations lui permettront à l'administration fiscale de calculer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Il s'agit de la taxe sur les locaux vacants et la taxe d'habitation sur les logements vacants. Alors, quant à la taxe sur les locaux vacants, elle est due si vous possédez un logement vacant depuis au moins un an et que celui-ci se situe dans une zone tendue. Alors, une zone tendue, c'est soit une commune appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants avec un déséquilibre marqué entre offre et demande de logement, soit une commune qui présente une proportion élevée de logements affectés à l'habitation autre que la résidence principale. Quant à la taxe d'habitation sur les logements vacants, elle est due si vous êtes propriétaire ou usufruitier d'un logement à usage d'habitation vacant depuis plus de 2 ans au 1er janvier de l'année d'imposition et donc situé dans une commune qui a décidé de mettre en place la taxe d'habitation sur les logements vacants. Alors, quelles sont les informations qui doivent être fournies? L'administration fiscale exige notamment les informations suivantes. Bien entendu, les modalités d'occupation du local, à titre personnel ou alors par un tiers. La nature de l'occupation, si c'est une résidence principale, résidence secondaire, local loué, local occupé à titre gratuit ou vacant. Également, bien entendu, l'identité des occupants, la période d'occupation du ou des locaux dont ils sont propriétaires. Et enfin, pour le cas particulier des locations saisonnières, il faudra préciser le début de la période de location saisonnière et les modalités de gestion du bien, par exemple. Et bien entendu, le loyer mensuel hors charge qui devra être précisé. Alors, quel est le délai? Ça, c'est important pour faire cette déclaration. Cette déclaration doit impérativement être faite à l'administration fiscale au plus tard le 30 juin 2023 inclus. Sachez qu'en cas d'erreur, d'omission ou d'insuffisance dans la déclaration, le contribuable s'expose à une amende forfaitaire d'un montant de 150 euros. Normalement, vous avez dû tous recevoir un mail vous demandant de déclaration, donc ne mettez pas de côté. Enfin, comment faire cette déclaration? Voilà le lien. La déclaration s'effectue en ligne sur le site internet des impôts, www.impots.gouv.fr, dans votre espace personnel, et il faut regarder l'onglet « Biens immobiliers ». Elle doit être effectuée pour chaque bien, et cela séparément. Attention, en cas de changement de situation, une nouvelle déclaration sera nécessaire et devra être faite. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.